Les aventures de Tintin par Hergé. Adapté par Catel Guillou. Avec la troupe des comédiens français. Les sept boules de cristal. Troisième épisode. Le mystère des boules de cristal s'épaissit. Les membres de l'expédition Sanders-Hartmouth sont tous tombés dans un sommeil léthargique, les uns après les autres. Seul le professeur Bergamotte, chez qui se trouve la momie du roi Inca Raskar Capac, est encore épargné. Grâce au professeur Tournesol, qui est l'un de ses anciens amis, Tintin et le capitaine Haddock ont pu se rendre chez lui pour l'interroger. Retenu dans la grande demeure par un orage, ils ont été témoins d'un phénomène extraordinaire. La foudre s'est transformée en boule de feu et, en dévastant le bureau du professeur, a fait disparaître la momie. Mon Dieu! Ah! Quel bonheur! J'ai rêvé. C'est le vent qui a rouvert si brusquement la fenêtre. Tout de même, quel sinistre cauchemar! La voix du capitaine! Que se passe-t-il, capitaine? C'est vous qui avez crié? Oui, j'ai fait un affreux cauchemar. Ce Raskar Capac est entré dans ma chambre. Il avait à la main une grosse boule de cristal qu'il a lancée de toutes ses forces sur le sol. C'est inouï. J'ai rêvé la même chose. Qu'y a-t-il encore? Professeur Tournesol, que faites-vous là? Attention, il est là, il me suit, il arrive. Qui ça? Il est là, je vous dis. L'Indien que nous avons vu dans le bureau d'Hippolyte. Il est entré dans ma chambre en brandissant une grosse boule de cristal. Ça, par exemple. Encore le même rêve. C'est extraordinaire. Allons voir quand même. Vous voyez? Personne. Vous avez rêvé comme nous, professeur. Milou. Regardez, Milou. Bizarre. Il a certainement flairé quelque chose. Que se passe-t-il? Je ne sais pas, inspecteur. Mon chien s'est mis à hurler à la mort devant la porte de Monsieur Bergamotte. Monsieur Bergamotte! Monsieur Bergamotte! Il ne répond pas. Enfonçons la porte! Oh mon Dieu, pourvu que... Fausse alerte. Il dort paisiblement. Oh non, trop tard. Regardez, des éclats de cristal sur le sol. Voyons, c'est impossible, toutes les issues sont gardées. Monsieur Bergamotte. Monsieur Bergamotte. Alors? Rien à faire. La boule de cristal a fait son œuvre. Voilà sa dernière victime. Vite, la fenêtre du bureau. Le malfaiteur a dû passer par là. Mais non! La fenêtre et les volets sont fermés. C'est invraisemblable. Quelqu'un est passé par ici? Non, je n'ai personne, pourquoi? Mais enfin, c'est incompréhensible! Par où le bandit s'est-il échappé? Oh, regardez ici! Les bijoux de Raskar Capac ont disparu. Voilà le chemin qu'a suivi le bandit. Il est passé par la cheminée. Eh bien, si notre homme a filé par ici, il doit être propre à l'heure qu'il est. Vous avez raison. Il est bien passé par la cheminée. La corde qu'il a utilisée est encore là. Et toi, surveillez les toits. Là-bas, dans le bois, un homme qui s'enfuit. Je le crois. Touché. Il est tombé. Vite, allons voir. Voici l'endroit où il a dû tomber. Regardez par là. Moi, je vais voir de ce côté. Cherche, Milou, cherche. Il n'a pas l'air très inspiré. Sapristi, c'est vrai. Milou a encore son museau plein de suie. Il lui est impossible de sentir autre chose. C'est la voix du professeur Bergamote. Il s'aborde. On l'assassine. Allons-y, vite. Oh, mais il n'y a personne. Ils reviennent. Mais voilà. Oh, ils vont m'étrangler. Ils délirent. Arrière, démons, arrière. Oh, à moi, à moi. Ils vont me dévorer. Calmez-vous, monsieur Bergamote, calmez-vous. Il n'y a personne ici, que des amis. Eh bien, quoi? Le voilà de nouveau retombé en léthargie. Il est arrivé quelque chose au professeur? Je ne sais pas. Il criait, il hurlait, il avait l'air de souffrir atrocement, puis brusquement, il s'est calmé. Je crois qu'il serait prudent d'appeler un médecin. Et le bandit qui est tombé dans le jardin? Il nous a malheureusement échappé. Le lendemain matin... Oui? C'est un fort beau cas de léthargie. Voyez, les muscles sont entièrement relâchés, les membres complètement inertes, le pouls ralenti. Ça va, docteur? Les voilà de nouveau! Ils vont recommencer à me torturer! À moi! Au secours! Un instant! Approche. Essayez de les calmer, capitaine, je vais voir de qui il s'agit. Tout va bien, monsieur Bergamote, tout va bien. Au secours! Ah, c'est vous? Bonjour. Hippolyte est-il là? Oui, il est là, mais il est au lit, il n'est vraiment pas bien. Au jardin? Ah bon, ben, je vais le rejoindre alors. C'est ça. À tout à l'heure, professeur. Où donc est-il? Je ne le vois pas. Oh, c'est bien simple. Je vais le trouver grâce à mon pendule. Que se passe-t-il? Il me semble bien agité ce matin. Oh, oh, oh, oh, oh là là. Curieux? Très curieux, je me demande si... Oh, oh. Il y a un peu trop d'arbres dans ce bois. Alors, mon chapeau, mon parapluie, mes lunettes... Mon pendule est en route. Ça, par exemple, il oscille de plus en plus vite. Là, qui est étrange. Il doit y avoir quelque chose derrière ce buisson. Tiens, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Un bracelet. Sapristi, mais c'est celui qui se trouvait au bras de cette momie. C'est curieux. Comment cet objet est-il arrivé ici? Il est magnifique. De l'or massif, sans aucun doute. Je vais le mettre à mon poignet et aller me montrer ainsi. Mine de rien. Il est vraiment splendide. Et puis il me va ravir. Quelques minutes plus tard... Dites, Tintin, vous savez où se trouve le professeur Tournesol? Je ne l'ai pas vu de la matinée et il n'est pas dans sa chambre. Tournesol? Il est au jardin? Je suis sûr qu'il est occupé à faire fonctionner son pendule. Allons le chercher ensemble, si vous voulez. Eh bien, où se cache-t-il donc, notre brave tournesol? Je ne le vois pas, en tout cas. Si curieux, il m'avait pourtant dit qu'il allait au jardin. Tournesol! Tournesol! C'est inutile, vous le savez bien. Mais où se cache-t-il, ce zèbre-là? Continuez par là. Moi, je vais aller regarder de ce côté. Entendu. Tournesol! Tournesol! Mais... Tournesol! Qu'est-ce que c'est que ça? Tournesol! Capitaine! Vous avez trouvé quelque chose? Regardez là-haut, dans cet arbre. La trace d'une main sanglante. Qu'est-ce que cela signifie? Qui donc aurait... Qui? Le bandit de cette nuit, parbleu. Voilà pourquoi on ne l'a pas retrouvé. Blessé, traqué, ne sachant plus où aller, il s'est réfugié au sommet de cet arbre. Mais alors, il est peut-être encore là. Vous avez raison, je vais aller me rendre compte. Soyez prudent. Prenez mon revolver. Bonne idée. Merci. Non, je ne vois rien encore. Mais ce n'est rien, capitaine. Une branche morte qui s'est brisée. Parce que prendre une branche sur la tête, ce n'est rien. Vous trouvez, vous, des millions, des milliards, des savants. Non, il n'y a plus personne. Je redescends. Mais... Attendez, capitaine. Quoi? Là-bas, à votre droite. Regardez. Là ? Non, plus à droite. Encore. Là, vous y êtes. Le parapluie de tournesol. C'est le sien, n'est-ce pas ? Oui, oui, c'est le sien. Je me demande... Là, regardez. L'herbe a été piétinée. Et ici, des branches brisées. On s'est battu ici, capitaine. Battu? Tournesol? Tournesol s'est battu? Peut-être pas. Mais il s'est sûrement débattu. Je comprends ce qui s'est passé. Le bandit était encore dans l'arbre. Tournesol est arrivé. L'autre lui a sauté dessus. Mais pourquoi, Mille Sabords? Pour quelle raison aurait-on attaqué Tournesol? Je ne sais pas, capitaine. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Monsieur Tournesol a disparu et qu'il s'agit de le retrouver. Milou! Milou! Mon vieux Milou, tu vas sentir ce parapluie et essayer de retrouver notre ami Tournesol. Cherche, Milou, cherche. Allons, cherche. Vite! Il se dirige vers le pavillon, au fond du parc. Un carreau est brisé. Serait-ce là que... Attention, capitaine, couchez-vous! Quoi, qu'y a-t-il? Vite! Derrière un arbre! Sauvage! Rodin! Analphabète! Manipulé! Ectoplasme! Cornichon! Capitaine! Je vais ramper jusqu'au pavillon! Vous vous tirez de temps en temps un coup de feu pour me couvrir! Je vais vous lancer votre bramine! Vous êtes prêts? Allez-y! Hop! Merci! Et maintenant, mon gaillard, à nous deux! Ah! Je pouvais m'approcher suffisamment de la fenêtre. Je pourrais lui faire lâcher son arme. Avec ce bâton, peut-être. Allons-y. Il faut tenter le tout pour le tout. Je l'ai. Vite, capitaine! J'arrive! Plus personne. Il s'enfuit, le gredin. Là, par la fenêtre! Les pneus! Vite, notre Browning, mon chargeur est vide! Le mien aussi. Fini. Il nous échappe. Tas de sauvages! Vampires! Protozoaires! Brutes! Venez, capitaine. J'ai relevé le numéro de la plaque. L'inspecteur là-bas le transmettra tout de suite à la gendarmerie. Tout n'est pas perdu, venez vite. Oh, allez, canaille. Allô, la sûreté ? Ici l'inspecteur Choubet. Oui. On vient d'enlever un ami du professeur Bergamote, monsieur Tournesol. Oui. En auto. Oui, je vous donne son numéro et son signalement. Sûreté à gendarmerie. Ordre à toute brigade mobile arrêtée occupant conduite intérieure noire, type Opel Olympia 38, plaque d'immatriculation 317-413, partie de Palissy en direction de Chavannes. Regarde celle-là. Ce serait pas une Olympia ? Ça y ressemble. Je vais leur faire signe de s'arrêter sur le bas-côté. Attention ! Non ! Canaille ! Allô ? Gendarmerie ? Ici Dorimont, kilomètre 28. L'auto recherchée vient de passer à toute vitesse en direction de Chavannes. Vous ? Il y a un barrage. Bon, très bien. Ah, voilà une auto qui arrive. C'est pas notre homme, la voiture est pas noire. Bonjour monsieur. Vous n'avez pas vu une conduite intérieure noire sur la route ? Une conduite intérieure noire ? Je ne sais pas, je n'ai pas fait attention. Bon, merci. Vous pouvez y aller. En voilà une autre. Pardon monsieur. Nous cherchons une conduite intérieure noire, une Opel. Vous ne l'auriez pas vue par hasard ? Une Opel noire ? Non, je ne me souviens pas. Bon, allez-y. Bizarre. Je ne peux plus passer. Nous allons voir ça. Nous allons pousser une petite pointe jusqu'aux collègues qui ont lancé l'alerte. D'accord. Vu ? Non, nous venions justement voir si... Quoi ? Mais il y a longtemps qu'elle est passée, elle a même failli nous écraser. C'est invraisemblable. Par où est-elle allée ? Vous cherchez quelque chose ? Une auto noire. Vous ne l'auriez pas vue par hasard ? Une auto noire ? Ah, bah, je sais pas si c'est celle-là, mais il y en a une qui a tourné ici à droite dans le bois. Bon, il y a de ça à trois quarts d'heure. Tournesol, t'as de bandit. Et pourquoi ? Qui nous dira pourquoi ils ont enlevé ce pauvre Tournesol ? Quel besoin avait-il aussi d'aller se promener au jardin, celui-là ? Ah. Allô ? Oui ? Oui. Eh bien, on l'a retrouvé ? C'est magnifique. Comment ? Ils viennent de retrouver la voiture, cachée dans un bois. Vide. Vite, capitaine. Faisons un saut jusque là-bas. Peut-être y apprendrons-nous quelque chose. Bande de canaques, pirates ! Lâchez-vous autres ! Bonjour, brigadier. Bonjour. Alors, cette voiture, on l'a retrouvée ici. Comme ça, abandonnée. Oui, Mais ses occupants n'iront pas loin. Toute la région est cernée et on fait des battues dans les bois. C'est un de vos amis qu'ils ont enlevé ? C'est Tournesol, malheureux. Tournesol ! Une crème d'homme ! Un cœur d'or ! Et c'est lui que ces misérables ont enlevé ! Et pourquoi ? Pourquoi ? Tonnerre de Brest ! Vous le savez, vous ? Moi ? Non. Eh bien, Sherlock Holmes, vous trouvez quelque chose ? Peut-être. Dites-moi, brigadier, vous vous trouviez à l'un des barrages, n'est-ce pas ? Avez-vous vu passer une grosse voiture beige ? Une grosse voiture beige ? Attendez que je me souvienne. Ma foi, vous avez raison, il est bien passé une auto beige. Une conduite intérieure. C'est même moi qui l'ai fait stopper. Vous n'avez pas songé à prendre son numéro ? Ah non. Pourquoi ? Mais attendez. Celui qui était au volant avait l'air d'un étranger. Espagnol ou brésilien ou quelque chose dans ce genre-là. Assez gros, basané, moustache et favoris noirs, lunettes d'écaille. Et les autres ? Car ils étaient plusieurs, je suppose. Oui, il y avait quelqu'un à côté de lui. Un étranger, lui aussi. Visage osseux, nez busqué, lèvres minces. Il y avait encore deux hommes sur la banquette arrière, mais je n'ai fait que les entrevoir, ceux-là. Bon. Eh bien, on peut arrêter les battues. Inutile d'insister, les bandits sont déjà loin. Ah, ça, mais comment le savez-vous ? Comment je le sais ? Regardez. Ces traces sur le sol. Voici celle des pneus de l'Opel, mais en voici d'autres différentes. Celle de pneus Dunlop, je crois. Les pneus d'une voiture qui a attendu l'Opel. C'est juste, Mille Sabords. Mais comment avez-vous deviné que cette voiture était beige ? Regardez là, sur cet arbre. Il y a des traces de couleur beige. Le chemin est étroit. En manœuvrant, une des ailes de la voiture a éraflé cet arbre et y a laissé des traces de peinture. Ah, les bandits ! Ils ont donc changé de voiture ! Venez, nous allons immédiatement communiquer tout cela à la police. Peut-être pourra-t-on les arrêter plus loin. C'était Les 7 boules de cristal d'Hergé, une coproduction France Culture, Hergé Moulinsart et la Comédie Française. Adaptation Catel Guillou. Musique originale Olivier Davio, orchestré par Didier Benetti pour l'Orchestre National de France. Avec Thierry Ancis, le capitaine Haddock, Denis Podalides, le professeur Tournesol, Jérôme Pouli, le paysan, Nicolas Lormeau, un gendarme, Nazim Boudjena, l'inspecteur Chaubet, Elliot Génicot, un conducteur, Sébastien Poudrou, un conducteur, Noam Morgenstern, Tintin, Didier Sandre, le narrateur. Et les voix de Tristan Cotin, Amaranta Kuhn, Jisoo Jong, Axel Mandron, Pierre Ostoya Magnin. Marina Kapp, Milou. Bruitage, Sophie Bissante et Elodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Bruno Mourlan et Émilie Couette. Prise de son musicale, montage et mixage, Jean-Louis Deloncle, Xavier Lévesque et Alice Legros. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Benjamin Habitant.